Instruments of death, the sunlight brightly gleams. When every man is torn apart with nightmares and with dreams, will no one lay the love away when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. And if we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. The face. capital as I crawl a cracked and broken path. And if we make it, we can all sit back. Bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif avec beaucoup de retard, du retard au niveau du timing. On a eu des problèmes techniques, merci de nous en excuser. Du retard également au niveau calendaire puisque l'émission devait avoir lieu en juin et suite à de nombreux festivals et concerts, eh bien nous n'étions point là. Et d'ailleurs, on a bien fait de pas venir puisque on s'est régalé. Je pense que mes invités étaient là aussi. On s'est régalé avec le concert de King Crimson et de Magma à l'amphithéâtre de Fourvière. Ben tiens, justement, mes invités sont là. On va faire un petit essai de micro, on va voir si tout va bien. Alors, on en ouvre un et on dit bonsoir. Eh bien, le bonsoir. Eh ben, ça va. On ouvre un deuxième. Bonsoir. Alors, ben, vous allez vous présenter. Eh ben, tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Gabriel et je suis guitariste du groupe Egoa. Egoa. Et moi, bah, du coup, je suis Marine, la chanteuse du groupe Egoa aussi. Très bien, très bien. Et donc, on va pouvoir mieux vous connaître musicalement et au niveau de la biographie ce soir. Eh bien, avec plaisir. Oui, carrément. Alors, je vous propose quand même de faire un tout petit peu de news, quelques nouveautés et puis annoncer aussi un concert. Nos amis de Silk, ils sont lyonnais aussi, eh bien, ils vont jouer en première partie de Nick Mason, Sourcefuls of Secrets. Donc, dans l'amphithéâtre toujours de Fourvière, c'est un dimanche. De mémoire, ça va être le 21, en tout cas le dimanche 21 juin. À ne pas rater, j'ai plein de collègues qui les ont vus en concert et c'était absolument superbe. Donc, eh ben, je vous propose justement pour vous donner un petit peu une envie d'y aller, si ce n'est pas déjà fait au niveau du ticket, tout de suite un extrait de Silk Endless Mystery. Raindrops on the run. fading in the stream. Sadness aimlessly endless. Mystery. Thank you. Voilà un petit écho, un petit retour de ce Proc Sud, donc le Proc Sud qui a eu lieu le mois dernier sur 3 jours, avec notamment pour la deuxième fois les Britanniques de I.O. Earth, I.O. puis Earth comme la Terre. J'ai rapporté de ce festival leur album Live in the USA sorti en 2013. Voilà, je ne résiste pas au plaisir, à l'honneur, à l'avantage de vous faire écouter et d'entrer en conversation avec nos amis d'Egoa. Tout de suite un extrait de Rêve de papier. What about me, Lara? I see. Ben moi j'aime bien, hein. J'aime mieux. Bien. C'est tout à fait dans la couleur de l'émission. Alors on va faire meilleure connaissance, hein. Donc Gabriel à la guitare, Marine aux vocaux. Déjà, première question qu'on se pose, c'est quoi ça, Egoa? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est une excellente question. Alors Egoa, en fait, c'est un vent basque. Le nom d'Egoa vient du fait que avant on avait un projet avec le bassiste, donc Charlie, Jonathan, et le guitariste Charlie, qui s'appelait Kellerama, et en fait un autre membre était fan de Led Zeppelin, et dans Led Zeppelin en fait ils s'attribuaient à tous des signes d'alchimiste. Mmh. Et en fait, pour faire un peu la même chose, ils nous avaient attribué à chacun un vent en rapport avec notre personnalité. Donc il y avait l'Aquilon, il y avait le Zéphyr, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et il y avait du coup l'Egoa pour moi, qui est un vent basque qui a la particularité d'être imprévisible, changeant, c'est-à-dire qu'il peut être très calme et puis d'un coup on sait pas pourquoi il pète un peu un câble. Et voilà, donc il semblait que ça correspondait bien à ma personnalité. Et quand le projet s'est arrêté, moi j'ai remonté ce projet au début tout seul, enfin avec Yann qui était au texte, et j'ai gardé le nom d'Egoa. Donc voilà, c'est un vent basque qui reflète une personnalité changeante, calme des fois et des fois un petit peu énervée. Donc tu es basque? Absolument pas, mais par contre l'auteur est basque. Mais le ? L'auteur est basque. L'auteur est basque, ouais. D'accord, d'accord. Il n'a pas problème d'ego, Egoa, pour faire un jeu de mots facile. Oh, ouais, pas bon, ouais. Celle-là, non. Je... Ouais, bon. Alors, je lis sur votre site, « Rêve de papier », c'est le titre de votre, qu'on peut appeler ça, il y a deux épisodes, une saga, est-ce qu'on peut appeler ça ouais. Diptyque On peut appeler ça une petite saga en fait. Une petite saga. Deux épisodes, ouais, c'est ça. Deux épisodes. C'est un conte musical rock moderne et une dystopie. C'est quoi ça, monsieur, madame, une dystopie? Dystopie, puis en fait, non, plus ou moins. En gros, on a voulu appeler ça une dystopie parce que on a créé une ville qui n'existe pas, une ville imaginaire, mais inspirée de villes réelles. Mm-hmm. Donc la ville, c'est Rimarien. D'accord. Donc voilà, une ville fictive, mais très, très urbanisée, très. Enfin, assez moche, assez noire, très industrialisée aussi. Et du coup, elle ressemble aux grandes villes qu'on connaît actuellement. Et c'est un peu l'idée qu'on se fait de nos villes futures. Enfin, d'accord, c'est pas Lyon quand même. Non. Ouf, dit-il. Non, non, non, on est des amoureux de Lyon quand même. Vous êtes lyonnais? Ou isérois, je sais pas trop, parce que j'ai vu qu'il y avait des racines à Fontaine, je sais plus quoi. Alors, Isère, Rhône... Les racines de base sont d'un peu partout, mais sinon, ouais. Actuellement, Gabriel habite à Lyon et moi, j'habite à Bourgoin-Jallieu, en Isère. D'accord, d'accord. Donc, Lara, c'est l'héroïne. Oui. Hein, un personnage exalté qui tente de trouver sa place en chantant son émoi partout où elle passe. C'est ça, c'est un personnage mignon, positif. C'est une femme qui en veut beaucoup dans la vie, qui... Voilà, c'est ça, qui en veut vraiment beaucoup, qui est ambitieuse. Et malgré elle, malheureusement, ses rêves vont être emportés par la réalité triste de la ville de Rimarien, en fait. Et elle est un peu le porte-parole d'une génération, hein, je vois, qui veut une génération qui veut renouer avec ses origines, sa culture fondamentalement égalitaire et solidaire. J'aime bien ces termes. Ben oui, oui, oui. Oh, mais c'est ça, c'est vraiment une belle personne, Lara. Voilà, on voulait vraiment en faire quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de positif, quelqu'un qui porte l'espoir, en fait. Ouais, c'est plein de bonnes ondes, en fait, ouais. Un personnage positif. Ouais, exactement. C'est bien, c'est bien. De base. Alors, donc, on a deux épisodes de cette saga Rêve de papier. Un premier qui s'intitule Rimarien, et le deuxième, j'aime beaucoup, celui qu'on vient d'entendre à l'instant, Rimerait. Alors, quelques explications sur les textes, sur est-ce qu'il y a une opposition, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'elle évolue d'un disque à l'autre, cette brave Lara? Alors oui, elle évolue énormément. Alors justement, on a fait deux CD, si c'était voulu, parce que justement Lara change entre les deux. C'est-à-dire qu'au début, on connaît quelqu'un de positif, de joyeux, de chouette, quoi. Et dans le premier, elle va vivre des événements horribles. Qui vont complètement la transformer. Donc l'événement horrible intervient sur un morceau qui s'appelle Le Chant du Cygne, où elle se fait violer. Donc c'est le pire drame de sa vie, et elle en a d'autres en plus. Ah, d'accord. Et de là, elle commence à se transformer. Comment peut-on avoir de l'espoir après une telle expérience? Et elle devient quelqu'un de noir, assoiffé de vengeance. Et du coup, dans le deuxième le deuxième EP qui s'appelle Rimeray. Là, on la voit évoluer complètement autrement. Elle a perdu toutes ses ambitions. La seule chose qu'elle veut, c'est se venger. Et c'est ce qu'elle fait. Du coup, elle retrouve son agresseur et elle le tue. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. C'est sympa. Hein. Ouais, d'accord. Je vous propose d'écouter un extrait justement du premier volume, hein, puisque oui. Je l'ai juste devant mes yeux, là. Donc, Rime à rien. Et on a choisi le numéro 2. Est-ce que tu te souviens du titre ? Oui, bah, du coup, c'est Rime à rien. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ah, bah, la voilà. Ville. Qu'est-ce qu'on est bon, dit-il. Dont le proxénète aboyant, je l'escroc. Un peu plus musclé tout ça, un peu plus électrique. Effectivement, oui. Donc cet album-là, cette première partie, c'est sorti en 2018, 17 et, ouais, c'est ça, en 2018, février 2018. D'accord, et donc le deuxième volume, Rimerait, vient tout juste de sortir en février 2019, c'est ça. Exactement, ouais. Alors il s'est passé quelque chose pour vous, là, le 14 février 2019. Première partie de... Un petit groupe du Belfort qui s'appelle Ange, je crois. Ange. Ange. Oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Alors Ange, vous avez fait une première partie à Fontaine. C'est où ça, Fontaine ? Eh ben, c'est dans la banlieue de Grenoble, juste à côté. D'accord. En fait. D'accord. Ah oui, ok. Alors ça s'est passé comment ? Vous étiez aux Anges ? Rien. Quel enfer, dit-il. Ah ouais, c'était quelque chose, parce que c'est une référence déjà pour presque tous les membres du groupe, ouais, musicalement. Et la salle de Fontaine est une très belle salle. Ouais. Puis c'est des gens qui sont super sympas, très accessibles. Adorable. On a quand même parlé pas mal de temps avec eux avant de monter sur scène, surtout après aussi. On est resté dans les loges à parler longtemps, à boire des canons aussi. Et c'était vraiment un très bon souvenir parce que... Ben déjà, c'est impressionnant de se retrouver dans une salle devant... Il y avait combien ? 500 ? 600 ? 600, plutôt. 600. 600 personnes ? Ouais, 600. Ouais, ouais. Ah ouais, respect. Et ouais, c'était impressionnant parce qu'on a le prologue sur lequel Christian déclame un texte de Brecht. Et sur scène, on le met. Et nous, sur scène, en fait, on ne voyait pas le public. Et on voit le public à partir du moment où on fait les premières notes de musique. Donc on est dans le public, sur scène comme ça, on était tous les deux devant avec Charlie, et d'un coup les lumières s'allument et on voit les 600 personnes, et j'avoue que c'est très impressionnant. C'est... Ah, Ah oui, quand même, bon là, on l'a fois sur elle. C'était rigolo voilà, d'entendre le prologue qu'on met sur scène tout le temps avec la voix de Christian Descanques, parce qu'il a gentiment accepté de nous enregistrer sa voix sur notre CD et de la voir pour la première partie de son concert. Quoi. Donc c'était il l'a fait en direct. Non, bien sûr que non. Alors vous avez joué combien, 45 minutes? Non, 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Comment a réagi le public d'Orange? Eh ben, franchement, c'était impressionnant parce que donc nous, on avait rarement joué devant autant de monde. Et il y avait à la fin des morceaux, c'était impressionnant d'entendre autant de personnes nous applaudir. Ça fait plaisir, hein? Ah ouais, vraiment, franchement, ouais. Et puis, ça fait plaisir aussi de vraiment pouvoir, pouvoir se lâcher sur un si grand plateau en ayant un retour, ça nous nourrit. Donc en fait, forcément, au début, on est un peu intimidé. Bien sûr. Et en fait, plus le concert avançait et plus on était... chaud bouillant parce que on avait des bons retours en fait, dès qu'on faisait un truc, dès qu'il y avait un solo, dès que Marine présentait un musicien, dès qu'on la présentait, dès qu'on finissait un morceau, il y avait quand même un retour assez impressionnant. Et en fait ça nous a donné des ailes quoi, clairement. Ouais, moi j'ai vécu ça, enfin mon expérience c'est qu'on veut pas y aller et puis une fois qu'on y est on veut plus en partir quoi. C'est exactement ça. À la fin on se regarde, on a fait une demi-heure, on a joué très rapidement. Non, on a fait une demi-heure. Et le deuxième album, deuxième EP était sorti. Oui, venait de sortir. Ouais. Alors ça a vendu ou pas? Est-ce que les gens étaient un peu curieux? Ils ont acheté un petit peu ou pas? On en a vendu quelques-uns, alors j'ai pas les chiffres en tête. Après c'est vrai que y a beaucoup de gens, vu que c'était un placement libre, les gens sont restés pour être sûrs d'être bien placés pour Ange, mais en vrai non, c'était quand même pas trop mal, hein. Ça va. Ouais. Les gens sont venus principalement voir Ange, mais en tout cas ils sont venus nous voir, nous parler, il y avait de la curiosité. Ouais. Le chant en français, je pense, a beaucoup aidé. Hein. Ouais, bien sûr. Le public d'Orange est vraiment très attaché au chant en français. Oui. Ouais. Et puis, pour le coup, nous aussi, en fait, c'est mine de rien, on trouve moins. Enfin, en tout cas, après, voilà, on connaît pas non plus tout ce qui se fait. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on trouve pas beaucoup de groupes de prog en français. Ouais. Il y en a. Mais effectivement. Ouais. Et alors, vos influences, justement? À part Ange. Déjà Ange. Tout à l'heure vous parliez de King Crimson, ça fait partie. Ouais. Moi j'ai eu la chance de les voir, alors pas Nuit de Fourvière malheureusement. Je travaillais ce soir-là, mais je suis allé les voir. C'est les gars des Goa qui m'ont offert la place quand ils sont passés à la salle Playel il y a 2 ans. Ah oui. Ah c'était à Paris. Ouais, exactement. Ah oui, Georges Marc d'Enea est monté, mais il était revenu avec des étoiles dans les yeux. Ah c'était impressionnant. Et puis surtout que c'était ma période Porcupine Tree, donc qui est pareil une influence pour tout le monde. Et du coup d'avoir Gavin Harrison à 50 mètres de soi qui en plus tape un petit solo de batterie. Un solo de monsieur Gavin Harrison, on appelle ça un master solo. C'est quand même c'est impressionnant. Puis ils avaient fait des vraiment la setlist était je trouve vraiment parfaite, un mélange de toutes les époques. Moi qui suis plus un fan de la première époque, j'étais vraiment servi avec une actualisation de tous les tubes du premier album. Là c'est pareil, hein. Je veux dire à Fourvière ils nous ont fait presque l'intégralité du premier, hein. In the Court of, donc on était tous C'est ça, et puis vraiment bien actualisé. Ouais. Sinon dans les influences c'est assez varié, parce que c'est vrai que moi je suis très on va dire vintage, très 70, donc voilà, y a beaucoup de Pink Floyd, énormément de Queen, surtout pour la différence entre scène live. Après dans les influences de tout le groupe, il y a plus d'influences modernes. On a Charlie qui est quand même assez fan de Dream Theater. Par exemple Julien le batteur, lui fan de groupes plus modernes, donc Marine aussi est fan, comment il s'appelle ce groupe? Eken par exemple. Ouais. Ah, oui. Et d'autres groupes, je sais pas qui c'est que... Les influences tournent autour de ça. On va avoir Joe qui aime beaucoup Led Zeppelin. Ouais, exactement. Mais sinon, pour le côté plus groove, tout ça, Joe Bonamassa ou des trucs plus blues. Marcus Miller, évidemment. Pour le jeu de basse, énormément. C'est ça. Ça fait plaisir de voir une jeune génération qui s'intéresse à ces grands des 70s et années 80 et 90. Ça fait plaisir, ça court pas tant les rues que ça, hein. Après nous dans notre milieu c'est vrai qu'on en croise souvent mais c'est vrai que il y en a peut-être un peu moins que mais quand même les Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, c'est quand même une référence pour beaucoup de gens. Bien sûr. Puisque tu parles des Beatles, courez aller voir Yesterday, le film est fabuleux. Quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit faudrait que j'aille le voir. Très chouette, très belle comédie romantique. Et l'interprète chante superment bien et tout. C'est vraiment une reconstitution aux petits oignons. Bah, y avait un film qui est sorti il y a quelques années, justement, avec pas mal de réactualisations des morceaux. Il y avait Bono, Joe Cooker qui chantait Come Together, qui était vraiment pas mal. Et je me souviens comment s'appelait le film, mais en tout cas, qui était vraiment pas mal aussi. Mais j'irai le voir. Ouais, faut vraiment pas le rater, quoi. Il y a vraiment des clins d'œil qui sont... Donc, le scénariste, c'est celui qui a fait 4 mariages, un enterrement, déjà. Le réalisateur, c'est celui qui a fait Snowdog Millionaire, je le prononce très mal. Ça fait quand même déjà des belles choses. Comédie romantique, très beau paysage en anglais, moi qui suis un amoureux de l'Angleterre, je me suis régalé. Puis il y a beaucoup d'humour, quoi. Il y a beaucoup d'humour. Donc ce jeune qui se retrouve maintenant, aujourd'hui, dans un quotidien où les gens ne connaissent pas les Beatles. Donc il reprend par hasard comme ça Yesterday, tout le monde lui dit « Mais purée, mais il est génial ton morceau !» Alors, il dit « Mais c'est pas de moi, c'est de Paul McCartney et John Lennon. Qui ?» Et puis tous en qui comme ça, quoi. Et donc, il va s'approprier le répertoire et tout. Bon, il y a des séquences cultes. Hein. Quand il va sur Internet, il tape Beatles et puis il y a un scarabée qui apparaît, quoi. Voilà. Après, il tape Oasis. Et puis il voit une oasis. Et puis après il dit bah oui c'est logique. S'il n'y avait pas les Beatles, il n'y aurait pas eu Oasis, etc. etc. Voilà, revenons à vos. Alors moi ce que j'ai trouvé assez rigolo, je dis rigolo, hein, y a pas de jugement, c'est que vos deux albums c'est un peu un patchwork. Hein. Il n'y a pas que du prog. Hein, on va trouver d'ailleurs influence musicale, je vois effectivement hard rock, mais vous citez reggae, vous citez pop, vous citez variété, jazz, etc. Donc effectivement, il y a ce côté un peu puzzle. C'est ça, c'est un parti pris. On écoute tous tellement de musique variée qu'on avait besoin de cet éclectisme en fait, parce que voilà, on est tous inspirés de trop de choses pour s'enfermer dans un style. On a besoin de s'exprimer. Ouais, puis on se laisse aussi vachement libre par rapport aux morceaux, en fait. Donc il y a des morceaux, des fois, qui sont composés en groupe, et en fait, on se met pas de cadre. C'est-à-dire que si le morceau va tendre vers quelque chose de jazzy, bah, on va aller vers quelque chose de jazzy. Mais si le morceau il va vers quelque chose de plutôt métal, bah, on va vers quelque chose de métal. Pareil, si c'est du reggae, de la funk, et en fait, on se limite pas parce que... Ce serait dommage de cloisonner un morceau dans un genre, ou tous les morceaux dans un genre, parce que on décide qu'on veut faire ce genre-là. C'est, voilà, après, c'est une question de point de vue. Hein. Ça peut bien être nous desservir que nous servir. Mais oui, voilà, est-ce que l'auditeur risque pas d'être un petit peu désarçonné en disant « Tiens, où est-ce qu'il m'emmène, quoi ?» Ça peut, mais... J'en sais rien, je pose une question. Aussi, ça peut être aussi une force. C'est ça, aussi ouais. Aussi. Mais c'est vrai que ça vient vraiment de notre écoute, parce qu'on a vraiment, ouais, vraiment beaucoup de... Donc là, déjà, par rapport à tout ce qu'on a cité tout à l'heure, beaucoup d'influences variées. Mais après, parce qu'on s'est limité au rock, mais on peut citer Miles Davis. Dans le groupe, on a deux fans de Miles Davis. Ils pourraient citer tous leurs albums, tous les musiciens de chaque album. Voilà, donc on peut aller vraiment vers du jazz contemporain ou même pas contemporain, avec plein de références et dans plein de genres. Donc c'est pour ça que toutes ces références de chacun nous abreuvent, nous nourrissent et nous nourrissent chacun en tant que musicien individuellement. D'accord. Pour se mettre au service d'un morceau et donc du groupe. Le groupe existe depuis combien de temps ? 3 ans. 3 ans maintenant, 3 ans. Ouais. Ah ouais, c'est tout jeune. Et pas encore tout à fait 3 ans d'ailleurs. Ouais, ah, ouais. 3 ans en août. Et j'ai noté quelque chose aussi que je trouve intéressante, c'est que les interprétations sur scène peuvent être différentes du disque. Ah oui. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de différences. En fait, là, c'est pour ça que je citais Queen tout à l'heure, c'est que en studio, on se limite pas. Parce que déjà, on a la chance d'être à une époque où c'est facile d'enregistrer beaucoup de pistes. C'est pas comme dans les années 70, on avait un 8 pistes, un 16 pistes, si vraiment on était dans le studio le plus haut de gamme du monde. Mm-hmm. Et c'était difficile de réussir à faire, je sais pas moi, par exemple, pour faire Bohemian Rhapsody, la difficulté d'enregistrer de morceaux. Bon, bref, donc du coup, pour nous, c'est vachement, vachement plus simple. Et on veut pas se limiter en se disant, bon, on va faire juste guitare, basse, batterie. Donc on fait des enregistrements qui sont très riches, un peu comme Queen. Mais par contre, en live, ben, on n'est que 5, comme Queen. Ils sont 5, ouais. Enfin ils étaient pour le coup pas 5, mais ouais. Bah, il n'y a pas de 36 pistes de guitare, il n'y a pas l'orchestre symphonique, les choristes. On est limité, ouais. Voilà. Et du coup, c'est plus rock. Et du coup, bah, on est limité en live et à la fois, on veut pas se limiter. Enfin, on rigole un peu là-dessus, mais à chaque fois qu'on a une échéance d'un concert, et ben, on fait une répète 3 jours avant et puis on change plein de choses au dernier moment parce qu'en fait, on a envie de toujours changer des choses. Ouais. Donc en fait, en live, même en live, les morceaux sont pas fixes, ils bougent en permanence, ils sont réarrangés tout le temps. C'est la corde raide, hein, ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que les morceaux sont jamais figés, ils vivent tout le temps. Là, c'est marrant quand on réécoutait Rimarien. Oh là là. Ouais. Tout à l'heure, c'est vrai que ça nous surprenait parce qu'on la joue tellement de manière différente maintenant que quand on a, il y a certains passages, on écoutait, on se regardait. Ah oui, c'est vrai qu'on jouait ça comme marrant. Ça avant. Ouais. Et le morceau, il vit, en fait, il évolue et il vit sa vie. Il est vivant. En fait. Ouais, est vivant. En fonction de notre humeur. Ouais. Est-ce qu'il y a des costumes, des effets qui sont liés à ce conte ou c'est simplement les paroles qui viennent? Oui, il y a des costumes. On est encore un peu en recherche hein, de costumes, ouais. pour être honnête. Mais on avait envie d'une atmosphère un peu steampunk, mais on ne veut pas non plus rentrer dans ce cliché-là. Mais parce qu'on voulait que ce soit intemporel, qu'on puisse imaginer que ce soit dans le futur, comme dans le passé, qu'on ne sait pas trop, comme un milieu imaginaire. Et on voulait que ce soit quelque chose d'un peu poétique. Voilà, que quand on nous voit, on imagine des auteurs, on imagine quelque chose d'assez littéraire, parce que c'est littéraire ce qu'on crée. Et donc pour l'instant, on a défini une couleur qui est plutôt pourpre, sur scène. Alors t'as tendu la perche littéraire, influence littéraire. Ouais. Les écrivains. Qui? Les écrivains. Oui, ou les poètes qui? Personnellement, c'est hyper bateau, mais j'adore Victor Hugo. Enfin, ouais, c'est un de mes auteurs préférés. C'est pas si bateau que ça. Enfin, c'est bateau, ouais. Mais Victor Hugo, pareil, Baudelaire dans la poésie. Je suis pas très poésie pour le coup. J'aime beaucoup les romans. Et romans, du coup, ça va être tout ce qui est réalisme du type, bah voilà, Hugo, Zola, c'est des choses que j'adore. Je cherche en plus moderne ce qui me plaît vraiment. Je trouve plus l'auteur, mais La Belle du Seigneur, celui qui a écrit La Belle du Seigneur. Mince, ça va me revenir, mais ouais, tu me prends là. Pas Gabriel. J'avoue que je connais pas du tout ce roman. Ouais. Mais enfin voilà, on lit pas mal. Enfin, moi je lis beaucoup. Gabriel aussi, je crois. Ouais. Alors moi, je suis littérature pareil, très très classique. J'adore Barjavel. Je suis un grand fan de Barjavel. Je suis un grand fan de Jules Verne. J'en ai lu, mais je les ai peut-être pas tous lus parce qu'il en écrit beaucoup, mais j'en ai lu un bon paquet. Et je suis un grand fan de Simenon aussi, les d'accord. Maigret. D'accord. Ouais. Plus atypique, mais j'aime bien tout ce qui est polar. Alors donc effectivement. Alors moi, c'est pas tant pour le côté polar que j'aime bien les Maigret. Mais ouais, les ambiances, les analyses sociales, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, on va passer en le numéro 7 et 8. Alors, vous me les présentez. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? The Old Days. Old Oaks Fall. Vieux chêne. Ouais, faut arriver à lire, là. C'est, ouais. Hein. The Old Oaks Fall and Epilogue. Épilogue. Et en fait, là, on arrive à la fin de l'histoire. C'est la première fois qu'on peut diffuser ce morceau, parce qu'on est sur une émission qui parle plutôt de prog. Oui. Et du coup, on se permet. Voilà, on se permet de passer ce morceau. C'est la fin. Donc voilà, Lara est au bout de sa vie. Lara s'est déjà vengée. Elle a tué son agresseur dans un morceau qui s'appelle Jouons à chat. Ouais. Et là, elle repense à tout ce qu'elle a vécu et où elle en est. Et en fait, elle ne se sent pas soulagée du tout. Et elle termine sa vie auprès de son vieux chêne. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. L'histoire du chêne, c'est la Rimeraie, en fait. Donc, on évolue en fait, dans un monde voilà, qui s'est construit autour d'un chêne qui s'appelle la Rimeraie, qui inspire les artistes, qui est à la base un quartier... super chouette, positif, qui est propice à l'art, à la culture. Et finalement, autour, s'est construit une ville affreuse et industrielle. Et du coup, elle vient retrouver cet arbre qui l'a nourri, qui l'a inspiré, sa Rimeraie, et elle vient y mourir, en fait. Voilà, on va écouter ce beau morceau. Oh là là, ça fait écho en moi. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les chaînes du rêve. Ah, bon, avec un chêne qui est central, qui est un des personnages du bouquin. Je sens un peu une influence de Camus. Est-ce que je me trompe? J'adore Camus, oui. Ouais, j'adore Camus, mais... Et je crois que Yann aussi, l'auteur, ça ne m'étonnerait pas. Je sens un peu. Ouais, je pense qu'il est plutôt un grand fan. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Mais indirectement, vraiment. D'accord. Ouais. Chapeau. Tout de suite. J'ai la gorge acide et je n'oublie pas les hommes corruptibles unis à leur machine, à leur nouvelle Bible. Ils dansent les boulevards, hument les vapeurs toxiques, courent les champignons métalliques. Moi, Lara, depuis les artères bétonnées, depuis les quais, je ne vois que le monstre. Je vois la mégalopole, je vois son cœur battant. Je le vois et j'entends son glas. C'est la fin des adorations et des grandes colonnes. C'est la fin des madones. C'est la fin. Alors, puisqu'il ne promène et ne donne son fruit, j'irai graver mon cœur sur l'écorce de l'arbre. Yeah. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Oui, oui, vous êtes bien sur Sol 100.7 et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On va hélas se quitter tout doucement, retourner dans nos chaumières. Et Géoa, les projets, qu'est-ce qui arrive là, tout au bout de l'horizon? Les projets, alors, pardon. Eh bien, nous avons en fait fait notre dernier concert avec notre batteur actuel le 28 juin à Grenoble, enfin à Fontaine, du coup, à côté de Grenoble, pour la fête du travailleur alpin. Et du coup, les projets, pour l'instant, ça va être, là, on auditionne plusieurs batteurs. Et tout se passe bien, hein, tout s'est bien passé d'ailleurs, hein, avec Julien, notre batteur. Il veut juste rentrer à la MAI dans une école. Et du coup, bah voilà, on va chercher un batteur et réorganiser du coup une tournée avec lui ou elle. D'accord. Et voilà, du coup. Et puis on a un projet également d'album, peut-être. Tu vas en parler, Gabriel? Oui, exactement. Alors, on aimerait bien réussir à, dans les deux ans, sortir notre premier album, parce que là, on a sorti deux EP, et notre sortir donc vraiment un premier album. Donc, on commence un peu à travailler dessus. On a pas mal de pistes, on a pas mal déjà de morceaux, de démos, de maquettes. Donc voilà, ça avance plutôt pas mal. Et là, sinon, pour la rentrée, on aimerait bien pouvoir, ouais, effectivement, organiser une tournée. On est en train d'ailleurs d'organiser une tournée novembre, décembre, janvier, février. Donc on a pas mal de pistes, notamment un concert à venir, avec un groupe qui s'appelle Quetzal dans l'Aveyron. D'accord. Un groupe de prog aussi, des grands fans de Ange, que je conseille. Quetzal, comme l'oiseau. D'accord. Et ben, quelques petits compléments. Tu as eu la gentillesse de regarder donc pour le concert de Silk et de Nick Mason. Donc c'est bien le dimanche 21 juillet. Donc voilà une petite précision. Marine a cité tout à l'heure Belle du Seigneur et donc c'est de Albert Cohen. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut encore annoncer? Vous avez des petits bonjours à le tonton, l'oncle, la grand-mère? Non, mais j'ai mon chat à qui je dédicace donc ces paroles. Mon chat, si tu m'entends, sache que tu es au fond de mon cœur. Soyons sérieux, votre disque, on le trouve où? Alors, on peut le commander sur le site internet. Donc, y a un onglet voilà, pour commander les deux EP d'un coup ou bien séparément, sur lequel on peut trouver aussi des t-shirts. D'accord. T-shirts hommes, t-shirts femmes, de plein de tailles différentes, de S à XL, ouais, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et donc, le site, c'est www.egoamusique.fr ou comme, peu importe, ça marche. Voilà. Et on peut aussi nous retrouver sur Deezer, Spotify, Qobuz, sur iTunes Music ou iTunes Plus, je ne sais plus comment ça se dit. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, oui, j'ai vu qu'il y avait un trailer ou est-ce que c'est un extrait de... Qu'est-ce que vous avez mis sur YouTube? Alors, on a les morceaux des deux EP et surtout, on vient de sortir une live session qui a été enregistrée chez Jaspire en Isère, donc d'un morceau qui s'appelle Jouons un chat, présent sur le deuxième EP. Mm-hmm. Et donc, vraiment, un enregistrement live, live session, donc, ouais, qui est sorti il y a une semaine et demie, deux semaines. Ouais, c'est ça. Puis sinon, on a aussi une vidéo live du titre Les Lilas dérobés. Bon, voilà, de toute façon, il y a plein de choses à sur retrouver. Il y a aussi l'explication en vidéo des textes de oui, l'histoire, j'ai vu tout ça. Ça oui. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Donc, intéressant. Pour les curieux. Et voilà, et à venir aussi, on a oublié, c'est vrai, on a une deuxième live session qui va sortir cet été du morceau qui s'appelle Le Chant du Cygne, qui est d'accord, présent sur le premier EP. Ils sont créatifs, c'est hallucinant ça. Ouais. Et l'album qui va sortir, est-ce qu'il va reprendre les deux EP ou pas du tout? Ah non. Non, pas du tout, on va vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Donc ça va engendrer beaucoup de nouveautés, même sur nous, nos costumes, parce que là on est vraiment dans l'univers Rêve de Papier. Ouais. Et on va passer à voilà, une toute autre histoire, donc il va... Ouais, où il n'y aura pas du tout de rapport avec... peut-être, on n'en sait rien, mais a priori, il n'y aura pas de rapport avec Rêve de Papier. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, ainsi s'achève Prog à part, cette émission de juin qui avait été donc différée en juillet, et puis avec un petit peu de retard. On fera mieux en septembre. Rendez-vous, comme d'habitude, juste après Christian et son émission de jazz de 20h30 à 22h30. D'ici là, eh bien, écoutez de la bonne musique. Tenez tati et à que la prochaine. Eh ben, merci beaucoup. Merci. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche. Une émission que vous retrouverez en podcast comme d'habitude d'ici deux jours. Entre-temps, Acid Dragon numéro 75 sera sorti, mais j'en parlerai un peu plus sur le site acidragon.eu et puis à la rentrée. Ciao ciao et tenez tati.